Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une folle aventure signée Terry Gilliam. Voici l'histoire du docteur Parnassus, membre d'une troupe de théâtre ambulante et capable de contrôler l'imagination des gens. On suivra son périple alors qu'il tente d'échapper au diable qui lui réclame son dû après le pacte qu'il avait passé quelques siècles plus tôt. Parnassus devait lui donner son premier nez à l'âge de 16 ans en échange de la jeunesse éternelle. Il y a 1000 ans, le docteur Parnassus conclut un pacte avec le diable. Stop! Vous n'êtes sûrement pas un homme à faire des paris, vous. Pour devenir immortel, ça fait un bail. Mais le prix à payer? Tout enfant qui atteindra l'âge de 16 ans lui appartiendra pour toujours. Un mystérieux étranger. Vos rêves ont-ils un prix? À vous de le dire! Emportera le spectacle au-delà de leur imagination. Extraordinaire! Vous pourriez la sauver. Le premier qui séduit 5 âmes a gagné. Voilà. Voilà. Rien n'est définitif, pas même la mort. L'Imaginarium du docteur Parnassus, un film de Terry Gilliam, un DVD métropolitain.